Slimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 12 avril 2023. Voici les grands titres. Le conseiller technique au sein de l'association Griou Jadot Défense des droits des enfants apprécie la politique du gouvernement visant à réintégrer les enfants de la rue dans leur famille, mais lui demande d'y affecter un budget conséquent. Déclaration faite ce mercredi 12 avril, dédiée mondialement aux enfants de la rue. Vous entendrez, Wenceslas Signabenda. Il fut un de ceux-là. Les travaux de pavage des rues du quartier Magarama à Gitega sont à l'arrêt depuis 2 ans déjà. Le projet en charge du chantier promet de les terminer dans 1 mois puisque le matériel qu'il y avait manqué est maintenant disponible. Des cultivateurs réclament la vente des engrais organominéraux au détail afin de pouvoir en acheter en quantité moyenne pour des champs de petite dimension à l'entreprise de fabrication des engrais Fomi. L'on annonce que cette question est à l'étude. En actualité internationale, le FMI annonce une aide de 261 millions de dollars américains en faveur du Burundi sur 3 ans et 4 mois. Son objectif est de soutenir la reprise économique du pays face au choc auquel il fait face. Et dans la chronique sur les messages de haine, l'abbé Lambert Riazimana, chargé de la communication et information au diocèse de Ngozi, nous donnera des éclairages sur le discours moqueur. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. L'enfant de la rue est utile pour la société et est capable de développer le pays. Déclaration de Wenceslas Nyabinda, conseiller technique au sein de l'association de défense des droits des enfants, Griouja. Cette déclaration coïncide avec la journée mondiale des droits des enfants de la rue, célébrée le 12 avril de chaque année au sein de l'association Griouja. L'on salue la stratégie initiée par le gouvernement portant réintégration des enfants de la rue, mais appelle à la disponibilité des fonds pour sa réussite. Suivez plutôt Wenceslas Nyabinda. Je rappelle, il est conseiller technique au sein de l'association Griouja et il fut aussi enfant de la rue. Pour nous, au niveau de Griouja, nous sommes déjà sur terrain et c'est la raison pour laquelle on est allé travailler au niveau communautaire. On a un espace à Buterere et un espace qui couvre les zones du nord, notamment Kamenge, Kinama et Buterere. Et on a un espace dans la zone sud à Gistio qui couvre les zones du sud, notamment Musaga, Kanyosh. Donc c'est là où on a vu que la majorité d'enfants de riz proviennent. Comme je vous ai dit, les enfants de la rue sont des enfants comme les autres. Et une fois accompagnés, une fois écoutés, ils peuvent devenir des enfants comme les autres. Et par exemple, au niveau de la réintégration professionnelle, nous avons 570 jeunes qui sont réintégrés au niveau communautaire. Donc, on voit que les 570 qui sont réintégrés au niveau communautaire en passant par les formations professionnelles, et ça se passe très bien, et le suivi post-réintégration est vraiment bien. Et les enfants sont dans les familles et ils viennent à leurs besoins essentiels. Et on a 1280 enfants scolarisés, réscolarisés qui sont retournés à l'école, tout en appuyant les familles de ces enfants, parce qu'on a vu que les causes profondes qui poussent à ce que ces enfants aillent dans la rue, c'est parce que les familles n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, parce qu'il y a la paupérisation de ménages, d'où ces familles aussi sont appuyées en activité génératrice de revenus pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leurs enfants. Alors, en grosso modo, la journée mondiale des droits des enfants de la rue arrive au moment où il y a une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les fameux des enfants de rue. Le ministère ayant l'enfance dans ses attributions, c'est-à-dire le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, a déjà fait une table ronde de bail de fonds, donc les partenaires du gouvernement, pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc ce qui reste, c'est vraiment le travail du gouvernement pour la mobilisation des ressources et des fonds nécessaires pour la mise en œuvre de cette stratégie. Sinon, au niveau de Griouja, nous sommes déjà sur terrain. C'était Wenceslas, il est de l'association Griouja. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, estime que chaque Burundais devrait avoir 3 enfants, ce qui en ferait de meilleurs parents. Et cela a été exprimé dans un entretien avec notre confrère Jérôme Niyonzima. Evariste Ndayishimiye estime que mettre au monde beaucoup d'enfants sont parmi les facteurs qui handicapent le développement des Burundais. Isanganiro. Les travaux de pavage des rues du quartier Magarama sont à l'arrêt depuis 2 ans déjà, alors qu'ils ne devraient durer que 6 mois. Les pierres qui devaient être utilisées bloquent la circulation, surtout du côté d'Ougahera. Et ceux qui y font du commerce n'ont plus de clients à cause de cet enclavement. Le responsable des travaux au sein du projet de développement local et de l'emploi explique que le matériel qui manquait est actuellement disponible et rassure que les travaux seront terminés dans 1 mois. Arthur Kavaouchi. Ces rues du quartier Magarama, qui viennent de passer 2 ans sans qu'elles soient fonctionnelles, sont du côté de Gahera à partir de la grande route. Certains habitants de ce quartier disent qu'ils sont obligés de chercher un endroit où laisser leur véhicule la nuit, comme celui-ci l'indique. Ceux qui ont des véhicules et qui habitent à Gahera, ils ont laissé chez eux leur véhicule et d'autres ont cherché des parkings ailleurs. Ils se déplacent à pied pour aller au travail car les rues sont barrées il y a 1 année, quelques mois. Le fait que ces rues soient inaccessibles, ça a perturbé les activités de ceux qui ont des boutiques, comme l'affirme cette femme. Nous avons des problèmes car les travaux sont à l'arrêt, ce qui bloque les clients qui venaient acheter des produits chez nous. Il faut que la circulation reprenne pour que nous puissions avoir des clients. Ces habitants trouvaient que le gouverneur de la province Gitega devrait rechercher cet homme pour qu'il soit interrogé. Dans une réunion que le gouverneur de Gitega, Venama Nirambona, a tenue envers les chefs de quartier il y a 2 semaines, il a indiqué qu'ils vont porter la question au ministre en charge des infrastructures. Ce que nous allons faire, c'est demander au ministre de nous aider en passant par le service des marchés publics. S'il ne peut pas continuer, de débloquer la route et laisser le passage. Nous avons cherché le chargé des travaux de pavage de l'entreprise qui a gagné le marché Herman Sabiyumva, qui nous a dit qu'ils auront terminé dans 1 mois. Nous tranquillisons les habitants de Magarama car notre fournisseur va amener les pierres de pavage qui restent. Une autre chose, c'est que maintenant le mazout est disponible et notre véhicule pourra disponibiliser le sable. Je ne saurais dire le délai, mais avec ce mois en cours, on aura terminé. Ces travaux qui devraient durer 6 mois, il y a 2 ans qui sont à l'arrêt au moment où chaque ménage a payé 40 000 francs bout. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi, Radio Sanganiro. Merci Arthur Kavaouchi. Une fonte de semis s'observe dans certains champs de haricots dans les différentes communes de la province Bururi. Au moment où certains agriculteurs disent que cela serait dû à l'engrais FOMI qui serait de mauvaise qualité, les moniteurs agricoles disent plutôt que cette fonte de semis est liée aux fortes pluies qui s'abattent dans cette province depuis le semis. Ces derniers appellent les agriculteurs à consulter chaque fois les cliniques des plantes ouvertes dans toutes les communes. De Bururi, la correspondance de Zeno Nzambimana. Les feuilles d'haricots sont devenues jaunes et au lieu de grandir, c'est une fonte qui s'observe dans certains champs. Au moment où certains des agriculteurs grognent en disant qu'il s'agit d'une maladie qui serait liée à la non-fertilité du sol, alors qu'ils avaient utilisé la chaux agricole et l'engrais FOMI, comme le conseillent les techniciens agronomes, et vont jusqu'à dire que l'engrais FOMI utilisé serait de mauvaise qualité. Emmanuel Manila Kiza, technicien agronome, appelé docteur des plantes en commune de Bururi, où une clinique des plantes a été ouverte ce mardi, fait savoir qu'il s'agit d'une fonte de semis causée par les fortes pluies qui s'abattent depuis le début de la saison culturelle B, des pluies conduisant même à l'asphyxie des plantes. Emmanuel Manila Kiza appelle les agriculteurs à sacrer tôt les champs de haricots pour diminuer cette asphyxie. Juvenal Ndaïkez, superviseur des cliniques des plantes dans la province de Bururi, quant à lui, appelle les agriculteurs à consulter chaque fois les docteurs des plantes qui sont à 2 dans chaque commune et qui sont chargés de diagnostiquer les maladies des plantes, de prescrire des médicaments et de donner des conseils pour lutter contre les différentes maladies des plantes. Il fait savoir que ces cliniques seront quelquefois mobiles et installées dans les lieux les plus fréquentés comme dans les marchés. Juvenal Ndaïkez invite les responsables administratifs à tous les niveaux à s'impliquer dans les sensibilisations pour que les agriculteurs puissent comprendre l'importance de ces cliniques de plantes. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci Zeno Nzambiman, à toutes nos excuses pour ces quelques ratés dans le nettoyage de cette correspondance. Alors que les cultivateurs des provinces du nord du pays, comme Kayanza ou ceux du centre, comme Agitega, réclament la vente des engrais organo-minéraux au détail, estimant que cela leur permettrait de s'en approvisionner pour leurs champs de petite dimension. Herméné Gilles de Magnangue, directeur général adjoint de l'entreprise de fabrication des engrais FOMI, tranquillise et annonce que cette question est en cours de traitement. Cette autorité dévoile aussi que les formations liées à l'usage de l'engrais FOMI ont déjà commencé. Un reportage de Omer Ndouaïo de retour de ses provinces. Lors d'une descente de deux jours effectuée par la société FOMI dans différentes localités des provinces de Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Gitega et Karusi, pour évaluer la manière dont les engrais organominéraux ont été distribués pour la saison agricole 2023B, les cultivateurs à faibles moyens veulent s'approvisionner en engrais organominéraux par détail, une demande reconnue par la société FOMI depuis longtemps, confirme le directeur général adjoint. Au sein de cette entreprise, Herméné Gilles de Magnangue explique que la FOMI s'en occupe. Nous sommes au courant de cette demande des agriculteurs qui ont peu de moyens. Ils ont toujours réclamé que, dans la mesure du possible, nous pouvons disponibiliser les sacs d'engrais de 10 kg, 5 kg, pour que même ceux qui ont peu de moyens puissent y avoir accès. Nous avons entendu la voix. Au niveau technique, nous sommes en train de voir les modalités. Si une fois nous arrivons à trouver solution en commun accord avec le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, vous serez les premiers qui seront informés. Émile Koubguimana, directeur du bureau en charge de l'environnement, agriculture et élevage en province de Ngozi, souhaite la formation d'utilisation de ces engrais à l'endroit des cultivateurs. Depuis que la FOMI a commencé à livrer, la FOMI Imbura Totakaza et Bagara, il devrait donc nous octroyer une fiche technique qui montre la dose maximale à utiliser pour chaque type d'engrais. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à l'entreprise FOMI au moins de préparer des séminaires de formation pour former nos techniciens, moniteurs agricoles qui se trouvent au niveau des collines et au niveau des zones qui sont près des agriculteurs pour qu'ils puissent bénéficier de cette formation pour que ces derniers eux aussi puissent les montrer à nos agriculteurs les doses maximales à utiliser pour chaque type d'encre. Ici, le directeur général adjoint de FOMI répond que ces formations ont déjà démarré. Nous avons entendu la réclamation des formations des encadrés agricoles pour qu'ils puissent savoir comment appliquer bien les doses. Là, je vous dirais que nous avons commencé cette activité. D'ailleurs, la société FOMI dispose un service qui est chargé de la vulgarisation agricole. C'est dans ce domaine de vulgarisation agricole où se trouvent les formations. Ce département est en train de travailler avec 29 coopératives dans 9 provinces dans le cadre de démontrer les bonnes pratiques agricoles en utilisant les engrais FOMI. Herméné Gilles de Magnangue précise que de telles formations se poursuivront dans les coopératives et vont dans d'autres provinces pour satisfaire tous les agriculteurs. Omer Ndouaïo. Et des terres et champs de culture évalués à environ 10 hectares se trouvant à la 12e transversale de Cibitoke en commune Rugombo dans le secteur Rusiga sont déjà emportés par les éboulements et glissements de terrain sur les rives de la rivière Rusizi. Les victimes de ce phénomène indiquent qu'ils enregistrent des pertes énormes, précisant que leurs familles peuvent être emportées par ces glissements pendant la nuit. Ils demandent que ce phénomène soit suivi avant que les dégâts ne continuent à augmenter. Le responsable de l'OPBE en province Cibitoke conseille à la population de planter des eucalyptus pouvant absorber les eaux dans cet endroit en attendant que des experts s'y penchent. Alexis Ndairagiche. Environ 10 hectares de terre sont déjà emportés par le glissement et éboulement de terrain à la 12e transversale Cibitoke dans le secteur Rusiga, en commune Ogombo de la province Cibitoke. Des sources des habitants de ce secteur Rusiga, ces glissements de terrain se sont accentués dans la nuit de Pâques où ils ont apporté les champs de manioc, de patates douces, de bananiers, aubergines et du sorgho vers la rivière Rusizi. Les habitants proches de cet endroit indiquent qu'ils ont une peur panique d'être victime de ces glissements pendant la nuit. Après cela, ils indiquent qu'ils sont en train de perdre des terres cultivables et de leur culture. Certains demandant d'être assistés, d'autres sollicitant des experts pour étudier ce phénomène. Au sein de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Cibitoke, Vital Zigamiye indique que peut-être c'est un phénomène naturel, mais qu'il pourrait être lié à la fragilité du sol et surtout de l'augmentation des eaux des canaux d'irrigation dans le sol. Dans l'urgence, Il exhorte à la population de planter des eucalyptus absorbant de l'eau et des herbes également qui absorbent de l'eau. À part cela, il aimerait la présence des experts pour étudier ensemble la solution à cette situation et surtout d'analyser l'origine de ce phénomène. Le secrétaire permanent de l'administration de la commune Rugombo, Firmin Abumremi, indique qu'au sein de l'administration communale, on est en train de dresser un rapport à présenter à la plateforme nationale de lutte contre les catastrophes naturelles. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. À 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal avant la chronique sur les messages de haine. Le Fonds monétaire international a annoncé lundi 10 avril d'être parvenu à un accord avec le gouvernement burundais en vue de la mise en place d'un programme d'aide de 261 millions de dollars sur 40 mois. Son objectif, soutenir la reprise économique du pays face au choc auquel il fait face. Mais il devra d'abord être approuvé par le conseil d'administration du fonds. Ce programme est le premier à être convenu entre les deux parties depuis la crise politique de 2015. Pendant ce temps, le rapport annuel du Fonds monétaire international sur la stabilité financière mondiale a été publié mardi. L'organisation prévient que l'économie mondiale entre dans une phase périlleuse. L'inflation élevée persiste, ce qui devrait obliger la Réserve fédérale et les autres banques centrales à continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Et dans l'est de la RDC, le M23 poursuit son retrait des zones qu'il occupait depuis plusieurs mois dans le Nord Kivu, alors que les troupes de la force de la communauté d'Afrique de l'Est sont en train de se déployer dans les positions remises par cette rébellion. Les rebelles ont notamment quitté la zone de Kishishe, au centre du territoire de Rutshuru, proche du parc des Virunga, un petit ensemble de villages dont le nom est désormais lié à un massacre que le M23 aurait commis à la fin du mois de novembre 2022. Selon l'Organisation des Nations Unies, près de 170 civils y ont été tués, entre 30 et 50 selon des organisations de défense des droits de l'homme, alors que le groupe armé évoque la mort de 8 personnes dans les affrontements et les populations qui avaient fui sont en train de regagner la zone. Selon toujours nos confrères de Radio France Internationale. Attendu de longue date par les autorités et la diaspora, le visa d'entrée au Cameroun sera disponible dans les prochains jours et devrait simplifier les formalités des voyageurs. Alors qu'ils étaient contraints de se rendre dans une ambassade pour obtenir leur visa, les touristes et voyageurs d'affaires internationaux pourront prochainement demander leur visa d'entrée au Cameroun, et cela en ligne. En juillet 2022, le gouvernement camerounais avait annoncé son intention d'introduire l'e-visa à très court terme. Le ministère des Relations extérieures du Cameroun a officialisé le lancement de son système à compter du 30 avril 2023. Parle, rassure-moi. Le discours moqueur est un discours souvent utilisé au sein de la société avec l'intention d'attirer l'attention et pour dénoncer ce qui ne va pas bien. Explication de l'abbé Lambert Riazimana, chargé de la communication et information au diocèse d'Ngozi. Ce prélat précise que ce genre de discours est utilisé par les leaders pour susciter l'adhésion à leur programme. Et celui qui utilise ce genre de discours doit tenir compte du contexte pour éviter des conflits. Moïse Misago a repris ses propos. Il existe deux sortes de discours moqueurs, dont l'ironie paradoxale qui amène l'auditeur à être frappé par une situation qui interroge. L'abbé Lambert Yazimana, chargé de la communication et information au diocèse catholique de Ngozi, précise que ce genre de discours est souvent utilisé dans la communauté. Par discours moqueur, nous distinguons deux sortes de discours moqueurs. D'abord, l'ironie paradoxale. L'ironie, c'est faire semblant de ne pas voir l'absurdité d'un énoncé et ainsi amener l'auditeur à être frappé par une situation qui interroge, par le fait même qu'on présente une chose absurde et qu'on la considère comme si elle était réelle. Et les gens qui écoutent s'interrogent si ce qui est dit correspond vraiment à la réalité. Avec ce genre de discours, l'on stigmatise ou l'on dénonce généralement les incohérences par rapport à ce qui est considéré comme normal. Ce discours vise à discréditer et susciter l'adhésion, poursuit l'abbé Lambert Yazimana. Dans ce discours moqueur, généralement, on stigmatise ou dénonce les incohérences et les inadaptations individuelles collectives par rapport à ce qui est considéré par l'opinion publique comme normal. Donc, ainsi, cette dénonciation ou stigmatisation vise à discréditer ou chercher à susciter l'adhésion au moqueur et à un désintéressement par rapport à ceux qu'on dénonce, qu'on stigmatise. Les discours moqueurs sont souvent utilisés par les leaders des groupes pour poser des questionnements. L'abbé Lambert Riazimahana. On ne peut pas parler de discours moqueurs quand on n'est pas en démocratie, martèle Abbé Riazimahana. Ce discours constitue une autre forme de communication politique selon toujours ce communicateur. Les discours moqueurs apparaissent généralement dans la vie des sociétés, dans la vie des collectivités. Et surtout en démocratie, parce que c'est là où se trouve la liberté d'expression. On ne peut pas parler de discours moqueur quand on n'est pas en démocratie, quand les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent de la réalité, de la situation socio-politique, économique, etc. Donc, les discours moqueurs, c'est une autre forme de communication politique. Et nous savons que la communication politique est seulement possible, si vraiment elle est digne de son nom, elle est seulement possible en démocratie, disons, dans un règne de liberté publique, de liberté individuelle et collective. Des impacts sont situés à deux niveaux. Pour l'abbé Lambert Yazimana, chargé de la communication et information au diocèse de Ngozi, estime qu'il ne faut pas éradiquer ce genre de discours, plutôt il faut asseoir la démocratie où il y a une liberté d'expression. Moïse Misago, on revient sur la déclaration du président de la République par rapport au nombre d'enfants que chaque Burundais devrait avoir. Il a dit que chaque Burundais devrait en avoir trois. C'était dans une émission qu'il a eue avec le journaliste Jérôme Niyonzima. Évariste Ndayishimiye estimant que mettre au monde beaucoup d'enfants constitue un facteur qui handicape le développement des Burundais. On ne peut pas parvenir à satisfaire 8 enfants à la place de 3 enfants et dire que tu vas atteindre le développement. On utilise beaucoup de moyens pour satisfaire tes enfants car ils ont besoin beaucoup de moyens. Pendant la création, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse être responsable sur terre. Dieu n'a jamais dit de donner naissance beaucoup d'enfants et au manque de quoi à leur donner. Dieu a créé la terre tenant compte sur ce qui va y vivre. Les Burundais en général, s'ils voudraient que dans 2040, le Burundi deviendrait un pays où chaque Burundais vit dans une belle maison. Et moi aussi, je suis parmi les Burundais qui ont exagéré. Je suggère que chaque Burundais mettrait au monde au moins 3 enfants. Nous attendons un recensement pour savoir le nombre exact des habitants burundais et l'augmentation de naissances. Je suggère qu'il y aurait des mesures qui seraient prises. Et c'est par cet extrait d'un entretien que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a eu avec notre confrère Jérôme Niyonzima que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.